parole de résilience. Les jardins de nos cœurs s'épanouissent, fleurissent des milliers de fleurs. Compassion et tendres heures, l'amour danse avec ardeur. L'amour, c'est une danse enivrante, un tourbillon de tendresse éclatante, un voyage où on se perd et on se trouve dans les bras de l'autre, où on s'approuve. Respect et besoin se mêlent dans nos âmes. Ils s'entrelacent, patience et pardon s'en mêlent. L'amour brille, jamais ne se lasse. L'amour, c'est une danse enivrante, un tourbillon de tendresse éclatante, un voyage où on se perd et on se trouve dans les bras de l'autre, on s'approuve. Personnes magnifiques font de leur drame une force unique, transformant les déceptions en sourires, les épreuves en sagesse. Elles inspirent. L'amour, c'est une danse enivrante, un tourbillon de tendresse éclatante, un voyage où on se perd et on se trouve dans les bras de l'autre, on s'approuve. Avec tendresse et dévotion, on bâtit notre maison. Chaque pierre, une émotion, pour un amour sans condition. Sans condition. L'amour, c'est une danse enivrante, un tourbillon de tendresse éclatante, un voyage où l'on se perd, on se trouve dans les bras de l'autre, on s'approuve. Les étoiles dans nos yeux brillent, elles éclairent notre chemin. Avec pardon, on s'émerveille, l'amour nous guide, main dans la main. L'amour, c'est une danse enivrante, un tourbillon de tendresse éclatante, un voyage où l'on se perd et on se trouve dans les bras de l'autre, on s'approuve. La compassion adoucit nos peines, elle nous porte, elle nous entraîne vers un amour qui jamais ne freine, un amour qui nous enchaîne. L'amour, c'est une danse enivrante, un tourbillon de tendresse éclatante, un voyage où on se perd, on se trouve dans les bras de l'autre, on s'approuve. Ainsi, l'amour se construit jour après jour, avec respect, patience et toujours un soupçon de magie, de velours. Pour que jamais ne s'éteigne notre amour. L'amour, c'est une danse enivrante, un tourbillon de tendresse éclatante, un voyage où on se perd et on se trouve dans les bras de l'autre, on s'approuve. On s'approuve, choisissez l'amour avec un grand A.